2008, EDR, Authentique Cartel. Mason, Pit Phoenix, Chaotique, les LK, Yaksa, vrai, c'est pour les vrais ça. 2008, EDR, l'espoir fait mes rimes. Mes rêves se barrent en éphémérite, les comptes de fémérite, la convoitise, celle qui fait mérite. J'en suis malade toutes les nuits, j'pétons en convalescence. Y'a pas trop trop de flammes, moi j'suis pas le cipo qui combat l'essence. Y'a plus d'inspi, bonsoir à la détresse provisoire. C'est mieux que l'époque où j'me disais j'ai fait du profit soir. C'est l'SOS d'un mec qui fait ses jazz et part. Une bouteille à la mer remplie de rêves noirs étendue de chez Epam. En manque de rime, l'inspiration j'ai besoin d'elle. En manque de rire, le manque de rêve fait que j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'air, parole soporifique, j'me demande où va l'homme. Au paradis perdu, personnification du Valium. À quoi j'aspire, car je respire grâce à l'inspiration. J'expire mon désarroi quand ça empire. J'garde ma respiration. J'ai peur du vide. Je me trouve au bord de la détresse. Serrer la solitude dans mes bras, frère, y'a que ça qui me déstresse. J'écris dans mes couplets les rêves que j'avais étant gamin. Aujourd'hui c'est la détresse et y'a personne qui me tend la main. J'lance un SOS pour pas me sentir seul dans cette galère. Si tu penses que tu vas à plaindre, bah tout ça, ça m'est égal, frère. J'suis l'insomnie, j'suis fatigué de lutter contre cette angoisse qui me fait suffoquer dès que j'suis confronté à une impasse. Mes rêves se meurent, qu'a pas d'argent pour les accomplir. J'dois prendre ce mal en passant jusqu'à la sortie de la compile. À 24 ans, j'aimerais pouvoir côtoyer la chance que mes rêves et la réalité n'aient aucune latence. Et là, j'pense que nos vies ne sont qu'illusions. C'est pas avec un SMIC que nos idéaux s'illustreront. Si j'espère, c'est grâce à l'ordonnance du médecin. Une camisole chimique qu'on fait passer pour un remède sain. Contre le stress d'un rêveur en détresse. Celui d'M2S, un mec qui a pu marcher sur des braises. SOS d'un rêveur en détresse. Toujours les poches vides, une prostitue pour oublier. Mais le chat annonce des post-it. C'est caustique, je crois battre mon âme bien se dégrader. Ni voir Madrid qui pleure mon nom gravé sur une pierre marbrée. Faire papier, je lâche pas des primes sur un bête de sample. Les meufs, c'est comme les experts, beaucoup plus de sperme. Tu vois les bails, comprends tous mes rêves partant. Fumé, enculé par le sort, comment veux-tu que j'en pars enculé? Sans thune et sans issue, on continue de s'endetter. Sans pub et sans petite pute, on est légèrement stressé. Les frères paniquent gentiment, la gloire arrive. Entre immense, fais pas le bonhomme, car on reste impuissant face aux sentiments. J'vois des nuits blanches, pour pas devenir l'esclave de mes rêves. Y'a que ça de vrai, le message authentique tel qu'un ODR. Bouteille à la mer, SOS d'un rêveur en détresse. Les anges se dépressent, le tap devient rêveur en détresse. Manque de vécu, je vis plus que dans les rêves que je ne maîtrise pas. Ouais, je me couche à pas d'heure, j'ai mon pétard en pastille, Valda, écarte-toi. Car la nuit je m'agite et fous les tas de pas. Le démon qui m'habite vise mes rêves mais ne les lâche pas. J'ai plus envie de faire semblant, j'ai perdu toute volonté. À serrer poings et dents, je laisse ma voix au mec violenté. Hanté par ma douleur de vivre et mes angoisses. Quand mes pensées m'enivrent, moi je bois pour que le mal passe. Quoi que t'en dises, je suis plus le gosse que j'étais avant. Je veux pas être comme papa, passer ma vie à me casser les dents. Ici les chocs laissent des traces et on vieillit de 40 ans. Dans mes rêves de glace, la haine seule ne fait pas son temps. Dans mes récits, j'ai su les cris, les mots, les SOS, un rêveur en détresse et chante ses larmes dans ses vocalisations. Plus de 23 piges à scruter le parterre. Quand le temps se fige, on a que nos rêves qui nous inspirent, frère.